Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait qu'une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le droit est-il mu par un mouvement qui le porte vers l'animisme juridique, s'interroge la juriste Marie-Angèle Hermite. Comment le juge peut-il entrer dans la subjectivité des animaux? Quelle décision prendre face au cas d'une éléphante maltraitée qui a des troubles du comportement? Comment peuvent intervenir une pensée magique moderne et une pensée rationnelle à l'heure de la révolution scientifique de la médecine? Demande le médecin-chercheur Alain Fischer. Quelle est l'évolution des pathologies et des comportements en matière de santé? Nous voici au terme de la diffusion du colloque « Les natures en question » donné au Collège de France en 2017. Pour l'anthropologue Philippe Descola, qui a dirigé son organisation et son comité, il s'agit d'examiner dans une perspective interdisciplinaire les questions soulevées par les déplacements de la frontière entre détermination naturelle et détermination humaine. Les dernières contributions questionnent les artifices de la nature. Comment les nouvelles techniques de production et de réparation de la vie que la biologie, la biochimie et la médecine ont développées ont-elles bouleversé notre façon d'appréhender les définitions de l'humain, les mécanismes du vivant et les règles sociales de son appropriation et de son contrôle? En première partie, Marie-Angèle Hermite, docteur en droit, directeur de recherche honoraire au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, questionne les chemins pris par l'animisme juridique. Elle a été une des premières juristes à étudier le droit du vivant. Elle revient ce matin sur l'évolution de ce droit au cours des 30 dernières années, avec notamment les textes réglementaires sur la biodiversité. Comme le rappelle Philippe Descola, Marie-Angèle Hermite interroge les profondes transformations des sujets de droit qui ont introduit la possibilité de traiter comme tels des non-humains, ouvrant la voie à ce que Marie-Angèle Hermite appelle l'animisme juridique. La juriste a été membre du Haut Conseil des biotechnologies à sa création en 2008. C'est riche de cette expérience qu'elle nous introduit aujourd'hui à ces nouvelles problématiques juridiques. En seconde partie, Alain Fischer, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de médecine expérimentale, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, qui dirige l'Institut Imagine de l'hôpital Necker Enfants Malades, questionne quant à lui les résistances à la médecine de type mystique, c'est-à-dire les formes de pensée magique modernes qui peuvent intervenir chez les opposants à la vaccination, par exemple, ou les adeptes des médecines douces, en quête de solutions alternatives face à une artificialisation réputée nocive des méthodes et des substances thérapeutiques de la biomédecine moderne. Mais avant de questionner les évolutions thérapeutiques et cette pensée magique moderne, nous gagnons tout de suite le Collège de France le 20 octobre 2017 pour la conférence de Marie-Angèle Hermite « Quel rapport entre artificialisation de la nature et droit du vivant ?» Le sujet qui m'avait été proposé était de vous parler des rapports qu'il peut y avoir entre artificialisation de la nature et droit du vivant. Alors, artificialisation, c'est assez simple. C'est le résultat des artefacts que les hommes relâchent et qui atteignent donc les milieux, l'eau, la terre, l'air, et s'y transforment, ils interagissent entre eux et ils modifient les milieux. En dehors de nous, c'est-à-dire nous on a mis l'artefact et puis après tout ça, ça se débrouille. Ensuite la nature, ça c'est un mot piège que je n'utilise quasiment jamais et uniquement par commodité de langage. Parce que pour moi, si la nature était ce qui est intouché par l'homme, ça n'existe plus depuis belle lurette. Et j'ai toujours adhéré au concept de technonature qu'avait été proposé par Philippe Croqueplot il y a longtemps déjà. C'est-à-dire, il n'y a plus d'atmosphère, mais une techno-atmosphère qui comprend tout ce qu'on a mis dedans, d'ailleurs volontairement ou involontairement. En fait, nos objets nous quittent, ils se transforment à leur gré. Par exemple, vous savez que le DDT est interdit depuis longtemps, parfois d'ailleurs peut-être à tort, certains le disent, mais on n'en a plus dans notre environnement, mais on a tous ces métabolites qui sont apparus au fil du temps. Ce que je vois donc au titre de la nature, ce sont des organismes et des écosystèmes qui réagissent selon leurs propres lois aux artefacts que nous introduisons, et d'une certaine manière, je vois la nature plutôt sous la forme de ce qu'on appelait, on n'utilise plus beaucoup cette expression, les lois de la nature. Couper un tronc d'arbre pourra provoquer sa mort, ou des rejets, dans le très beau livre de Peter Volleben, il interprète ça comme une stratégie collective des arbres pour se soutenir et se faire vivre les uns les autres. La radioactivité de la zone interdite de Tchernobyl va diminuer au fil des millénaires, mais elle va créer de nouveaux spécimens. Les rats ont changé, les écureuils ont changé, etc. Les fourmis ailées sortiront de terre à une heure précise, au moment où les chauves-souris s'endorment, c'est ce que nous dit Edward O'Conne dans son livre « Comment pensent les forêts ?». Alors ces régularités internes que peuvent observer aussi bien les forestiers, les physiciens ou les Amérindiens, pour moi, c'est ça la nature. C'est l'autonomie des interactions à tout ce qu'on leur propose et nos propres autonomies, puisqu'on fait partie, évidemment, du système de relations. Alors, plus compliqué, c'est le vivant, parce que j'ai l'impression, mais je ne connais pas toutes les langues, évidemment, que c'est un mot en tant que substantif qui est assez propre aux Français. Les Anglais utilisent généralement matière vivante, monde vivant, les organismes vivants, etc. En Allemagne aussi. L'expression la plus courante aujourd'hui, c'est matière vivante. Quand le Français dit vivant, le vivant en tant que substantif, il joue à la fois sur un terme très scientifique proposé par François Jacob en 1970. Donc François Jacob, il travaillait au niveau cellulaire, entre autres sur les bactéries lysogènes. Lorsqu'un fragment viral travaille avec une bactérie, jusqu'à la tuer d'ailleurs, ou l'inverse. Et d'un autre côté, donc lui, il travaillait sur un niveau où il n'y a plus d'éléphants, il y a un ensemble des génomes, et il y a une certaine dédifférenciation du vivant qui se crée à ce niveau-là, même si, évidemment, tous les génomes sont différents, espèce par espèce, et d'ailleurs individu par individu. À l'autre extrémité, on a vu apparaître à la même époque le concept de biodiversité, une biodiversité en danger. Et dans le droit international, lorsqu'on a institué la biodiversité comme objet de protection, on en a fait un sujet de préoccupation pour l'humanité. Vous voyez comme les choses sont dites. Donc, alors que seules les personnes physiques et morales sont sujets de droit, cet instrument introduit, avec d'autres d'ailleurs, l'humanité, mais pas en tant que sujet de droit, c'est un sujet en émergence, mais pas plus, et il introduit les peuples autochtones, et là, tout d'un coup, on voit arriver des traditions fondées sur les ressources biologiques, c'est dit comme ça, et les savoirs particuliers et les liens spéciaux que les peuples autochtones entretiennent avec les autres vivants, on dira après, les non-humains. Et un peu plus tard, l'accord de Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa, 1998, insiste sur le lien particulier que chaque individu, chaque clan entretient avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière. Donc maintenant qu'on a compris que le vivant jouait comme ça sur une ambiguïté entre quelque chose de très scientifique et quelque chose de relationnel, de symbolique, et avec une certaine émotion à la clé, on peut s'interroger sur ce que j'appelle droit du vivant. Et je vais vous proposer une perspective déjà historique, en fait, sur la manière dont on passe du droit du vivant à ce que moi j'appelle désormais l'animisme juridique. Et donc, je ne me contente plus de dire il y a telle et telle entité qui est sujet de droit, je dis maintenant que le droit est mu par un mouvement qui le porte à un certain animisme juridique, même si, évidemment, c'est le tout début. Donc, on va faire ça en trois étapes, qui sont en quelque sorte des étapes historiques de l'évolution des concepts utilisés. Le premier moteur de la construction du droit du vivant, qui est une nouvelle branche du droit, un peu comme autrefois on a créé le droit du travail ou le droit de la consommation, c'est la technique. Il faut résoudre des problèmes. On vient de vous dire, ben voilà, on commence à manipuler des embryons, il va falloir se réunir, penser, savoir ce qu'on va en faire. Donc la technique oblige à résoudre juridiquement ou pas une question que pose la technique. L'autre moteur, c'est l'inquiétude pour la biodiversité. Il y a une véritable inquiétude du fait de la diminution très rapide de la biodiversité. Et il faut quand même constater que malgré tout cela, on ne sort pas de tout cela une catégorie juridique qui serait utile pour penser, parce que le droit ne pense pas sans catégorie. Or, le vivant, pour l'instant, n'a pas réussi à devenir une catégorie. Et une catégorie qui pourrait conduire à un droit fondamental qui serait, lequel je ne sais pas, qui serait applicable à tout le vivant et pas spécifique pour le vivant humain, le vivant animal, le vivant végétal, etc. Alors, absence de tout droit fondamental propre au vivant dans son ensemble, ça se comprend assez bien d'ailleurs, parce que qu'est-ce que vous allez trouver commun entre une bactérie et l'être humain, du point de vue juridique? Pas grand-chose. Si on pouvait se débarrasser des moustiques, beaucoup de gens seraient contents. Moi, par exemple, parce que je vis dans une région infestée par les moustiques tigres. Donc, pas de droit fondamental commun, et pourtant, il y a tout de même deux choses qui posent problème, et qui posent problème, me semble-t-il, à tout le vivant. Est-ce qu'il faudrait protéger le code génétique? Tous les organismes vivants sont faits avec ces mêmes bases. Or, aujourd'hui, la xénobiologie s'est donnée pour objectif d'ajouter des lettres ou de retrancher des lettres à cet alphabet, de modifier non pas l'ordre de l'alphabet, comme ce que fait le vivant tous les jours et ce qu'on fait quand on intervient sur le vivant, mais les briques constitutives du vivant lui-même. On aurait pu penser à quelque chose comme ça, mais j'avoue que personne n'y a pensé. Personne n'a songé à constitutionnaliser, en quelque sorte, un GTC. Alors, deuxième point, par exemple, dans les arguments qui sont donnés en faveur de CRISPR-Cas, c'est la rapidité de transformation des organismes vivants avec cette technique. Au fond, est-ce que la vitesse est un objectif? La théorie de l'évolution nous apprend qu'il y a des sauts, il y a des choses très rapides, et puis globalement, sauf pour les préhistoriens qui raisonnent sur des très très longues périodes et pour lesquelles la notion de rythme devient extrêmement différente de celle qu'on peut avoir nous, au fond, l'évolution nous entraîne à une certaine retenue et à une certaine lenteur. Un certain nombre de spécialistes de l'évolution Je les entendais dire, moi, je ne suis pas du tout opposée aux organismes génétiquement modifiés. Au fond, pourquoi pas, ça met de la diversité génétique, etc. Mais ça va trop vite. Donc, est-ce qu'il y a des pistes comme ça? Je ne dis pas que ces deux pistes sont les bonnes, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des pistes qui seraient finalement communes à tout le vivant? Alors, après avoir pensé le droit du vivant, un certain nombre de juristes, dont je fais partie, se sont inquiétés de l'échec des protections de la diversité biologique. C'est vrai qu'on ne gagne pas souvent. Quand on est du côté de la protection de la nature, on perd quand même la quasi-totalité de ses procès, une grande partie. Alors, j'avais été interrogée en 87, donc vous voyez que c'est loin, par la commission de ce qui était à l'époque la Commission économique européenne, maintenant commission, pour commencer à préparer ce qui deviendrait la Convention de Rio 5 ans plus tard. Et on m'avait demandé, juridiquement, la biodiversité, c'est quoi? Ça n'existait pas, c'est tout. Juridiquement, à l'époque, ça n'existait pas. On avait des tas d'autres choses, on avait la protection de certains milieux, on avait protection de certaines espèces, etc. Mais biodiversité, ça n'existait pas. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait sur le plan juridique pour inscrire la biodiversité en tant que catégorie, etc. Et à l'époque, j'ai fait le constat que dans tous les procès opposant les intérêts humains à la protection de l'environnement, quel que soit le caractère bienfait du texte qui était mis en œuvre, c'est toujours le crapaud qui perd. Par une jurisprudence qui s'appelle jurisprudence coût-bénéfice, risques-avantages, et qui fait que y a toujours... Quand on se dispute entre crapaud et humain, ça veut dire qu'il y a un intérêt humain à la clé et que finalement le Conseil d'État, le ci, le ça, fait jouer d'abord les intérêts humains. Au mieux, le crapaud va être déplacé, mais il va être déplacé dans un endroit qui lui plaît peut-être pas. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc ça, c'était la première période, en quelque sorte. Et je m'étais dit, au fond, c'est pas tellement les règles juridiques qui font défaut. Bien sûr, elles font défaut. Mais c'est pas tellement les règles juridiques qui font défaut. C'est la nature de l'affrontement. C'est que, dans le cadre du procès, toujours le crapaud perd. Et j'en avais déduit que, si on voulait changer, même très difficilement, les règles du jeu de l'affrontement, il fallait faire des crapauds, des sujets de droit. Alors, évidemment, pas seulement des crapauds. J'aime les crapauds, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais c'est tous les écosystèmes, et c'est même les moustiques, mes ennemis. Ils devraient tous être sujets. Parce que la catégorie de sujets en droit, elle est stable. Dans les systèmes juridicisés, disons, elle est stable. Par contre, son contenu change. Pendant des millénaires, beaucoup d'humains n'ont pas été sujets. Maintenant, heureusement, tous les êtres humains sont sujets de droit, enfin, toutes les personnes physiques sont sujets de droit, et l'insertion des personnes morales dans les sujets de droit, elle est très récente, elle date du 19e siècle. Donc, en 1909, un grand juriste français a dit « mais c'est une notion purement technique, on peut y mettre ce qu'on veut », et lui proposait d'y mettre les générations futures, les fœtus, les animaux, les morts, j'oubliais quelques autres. Donc vous voyez, 1909, c'est pas tout à fait récent. Et le raisonnement de De Moog à l'époque est un raisonnement qu'on peut tenir encore aujourd'hui, mot pour mot. On y rajoutera les écosystèmes et je suis sûre qu'il n'aurait pas été opposé à ça. Alors, progressivement, il fallait... donner du contenu à ce qui n'était à ce moment-là, en 88, qu'une hypothèse purement logique. Je disais, on ne s'en tirera pas autrement, mais j'avais pas d'exemple du tout. J'avais, je crois, un exemple suisse d'arrêté de protection de biotopes, des choses comme ça, mais totalement marginales. Donc j'ai laissé tomber, parce que ma proposition était tombée quand même dans un froid silence, quelques critiques amicales et non moins amicales, et je suis passée à autre chose. Et je n'ai repris la question qu'en 2011, en me rendant compte que j'avais accumulé depuis des années des tas d'exemples tout à fait de droit français, européen, qui donnaient un certain nombre de droits, que ce soit aux animaux, aux écosystèmes, etc., sans le dire, mais c'est dans la motivation, soit des textes, dans un certain nombre de cas, quand vous prenez le fait que les porcs doivent entendre grogner leurs voisins, parce que sinon on ne satisfait pas leurs besoins essentiels, qu'on ne satisfait toujours pas aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, mais dans le texte, le porc a le droit d'entendre grogner ses voisins. C'est une modification considérable et qui n'est pas cohérente avec le fait d'en faire un pur objet de droit. Donc on a vu apparaître la dignité de la créature en Suisse, qui empêche un certain nombre de manipulations génétiques, et on a vu apparaître des tas de décisions de justice dont la motivation est relativement impressionnante. Par exemple, j'avais donné l'exemple d'une éléphante qui était maltraitée dans un cirque. Alors, il a fallu, le droit à ses contraintes, il a fallu la saisir comme un objet, mais on n'a pas d'endroit où la mettre. Normalement, on met ça au greffe, ce qu'on saisit. On ne peut pas mettre l'éléphante au greffe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a remise là où elle devait être. Et le juge dit, c'est important parce qu'elle ne sort du camion que pour aller à la ménagerie. Ses conditions de vie sont inadéquates à son épanouissement et peuvent entraîner des troubles du comportement. Donc là, on est vraiment dans l'expression d'une subjectivité peut-être imaginaire. Mais, moi, je crois que non, mais peut-être imaginaire. Mais le juge la ressent comme telle. Il voit des troubles du comportement, il voit un épanouissement, etc. Autre exemple, dans un domaine tout à fait différent, l'Union européenne condamne la France pour n'avoir pas géré convenablement l'ouverture d'une carrière dans une zone où il y a un couple d'aigles de Bonelli. Et dit la Commission dans son argumentation, le couple va subir des troubles visuels et auditifs causés par le bruit de la carrière. Donc j'en ai déduit qu'il y avait subrepticement une sorte de droit des bêtes au calme. Il y a comme ça une tendance du juge à rentrer dans la subjectivité des animaux via, évidemment, notre mode de pensée, qui est un mode de pensée scientifique, puisque ce sont les éthologues, les écologues, etc., qui nous disent tout ça, du grand tétras, de l'ours et de l'aigle de Bonelli. Alors, on a construit comme ça, en fait, ce que j'ai appelé un partage du territoire entre humains et non-humains, parce que si vous regardez simplement votre plan local d'urbanisme, document administratif, vous voyez que vous avez des cartes qui se superposent et qui sont les cartes du monde humain et les cartes du monde animal, où l'activité humaine va devoir subir un certain nombre d'aménagements pour que les hérissons, les crapauds, encore, il y a des tunnels à crapauds de plus en plus, il y a, etc., etc., pour que tout ce petit monde puisse vivre, chanter, s'appeler, se battre, etc. Donc, en fait, on change le système, mais on ne passe pas par la catégorie sujet de droit, mais on subjectivise les motivations. Alors, j'ai franchi la troisième étape dans un livre d'entretien avec Francis Château-Renaud, où j'essaye de lui expliquer que tout ça est devenu un véritable système et qu'on est maintenant dans un animisme juridique, c'est-à-dire véritablement la reconnaissance du fait que le système juridique dans son ensemble est en train de se fendiller et de bouger. Alors, l'animisme juridique aujourd'hui, il me semble qu'il emprunte trois chemins. Avec un ancrage dans l'autochtonie, un ancrage dans d'autres formes religieuses, mais non monothéistes, spiritualité nouvelle, etc., et un ancrage qui privilégie certaines sciences par rapport à d'autres. Je vais passer directement aux déterminants physiques. Ils constituent une réalité qu'on trouve toujours objective, on est dans le naturalisme. Mais la nature n'est plus du tout extérieure à l'homme. Alors, c'est dit dans la loi française sur la biodiversité. Voilà ce que dit Catherine Gaillard, qui était rapporteure du texte à l'Assemblée nationale. Et elle lâche tout d'un coup, nous ne sommes après tout qu'une espèce parmi d'autres. L'espèce humaine est incluse dans les êtres vivants. Donc, il y a maintenant l'espèce humaine, si on veut, dans la notion d'être vivant, dans le code de l'environnement. Donc, l'homme est passé dans le code de l'environnement, non plus comme quelqu'un à protéger, à surveiller, comme il était jusque-là, mais parmi les êtres vivants, ben c'est nouveau. Et Ségolène Royal évoque la biodiversité comme notre unique potentiel d'évolution, dont l'érosion met en danger notre propre avenir, et elle cite Philippe Descola, évoquant le vivant comme ce qui relie et constitue les humains comme expression multiple d'un ensemble qui les dépasse. Donc, maintenant, on est dedans. Donc là, on sort du naturalisme classique. Et si toutes les intériorités ne sont pas semblables, c'est-à-dire les éléphants ne sont pas des humains par rapport à certaines visions des non-humains, c'est peut-être un reste de naturalisme, mais toutes ces intériorités ont suffisamment de bases communes pour que tous ces êtres soient sujets de droit. Oui. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté dans le cadre du colloque des natures en question la conférence de Marie-Angèle Hermite, quel rapport entre artificialisation de la nature et droit du vivant. Et tout de suite, voici celle d'Alain Fischer, la médecine face à la nature, un combat acceptable. Mon titre est peut-être légèrement provocateur. La médecine face à la nature, est-ce un combat acceptable ? Ce qui veut dire que peut-être faut-il considérer l'idée que la bonne santé, ou la santé tout court, n'est pas un état naturel. À titre d'exemple, un domaine qui m'est assez cher, les maladies génétiques, les maladies héréditaires, 2 à 3 % des enfants naissent avec une maladie héréditaire. Et ces maladies existaient il y a 5000 ans, on en a des traces, et donc ce sont des erreurs de la nature. Donc c'est certainement pas un état de santé naturel. Mais bien sûr, la bonne santé, la santé est une préoccupation de l'homme depuis que l'homme existe. Face à la mort, face à la maladie, face à la douleur, toutes les sociétés ont intégré dans leur collectif des êtres qui sont capables d'être les médiateurs face aux difficultés pendant bien longtemps incomprises. Je pense aux chamans et je dois dire que j'ai récemment vu donc cette sculpture qui est au Musée des Beaux-Arts à Montréal, qui représente un chaman en transformation. Je la trouve assez émouvante et à mon avis, elle symbolise bien la constante préoccupation, pour ne pas dire plus, l'angoisse de l'être humain face à son devenir. Vous savez bien que les conditions de vie de l'être humain ont évolué, de l'état de chasseur-cueilleur à l'état d'agriculteur. Je schématise naturellement, un grand raccourci. Une étape fondamentale s'est passée il y a environ 10 000 ans, et puis l'urbanisation et le caractère maintenant répandu des déplacements des êtres humains. Ce contexte, et notamment la frontière entre le statut de chasseur-cueilleur et l'agriculture, est un moment fondamental de l'évolution de l'environnement de l'homme et de la perte progressive de l'environnement naturel, que j'entends dans le sens où l'homme ne l'a pas modifié, qui a presque aujourd'hui disparu. Et cet environnement, il est pour l'homme, dans son évolution, il a été, entre autres, considérablement modifié par les microbes avec lesquels nous vivons, plus ou moins en bonne intelligence. Certains ont très bonne intelligence, cela a été évoqué à plusieurs reprises dans ce colloque. Les milliards de bactéries et d'autres micro-organismes qui sont dans notre intestin, sur notre peau ou dans la partie supérieure de notre arbre respiratoire, mais aussi des pathogènes. Et nous savons, beaucoup d'études génétiques l'ont montré, que nous co-vivons, nous cohabitons, si je puis dire, avec l'agent du paludisme depuis plus de 100 000 ans, Helicobacter responsable des ulcères de l'estomac, la tuberculose, la variole, la lèpre, le choléra, la peste et beaucoup plus récemment le sida, autant de pathogènes qui influencent notre génome et créent une pression de sélection par la mortalité qui y sont associées. On peut aussi y associer les microbes qui sont responsables d'infections, en anglais de crowd infections, il n'y a pas exactement un bon terme en français, disons d'endémies ou de pandémies qui se sont développées dans particulièrement les 500 dernières années avec l'urbanisation et donc le fait que les personnes vivent plus proches les unes des autres. On peut citer la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, la grippe. Dans ce contexte, on peut considérer que, de façon schématique, l'état de santé des êtres humains résulte d'un compromis entre notre génome et notre épigénome, la régulation de notre génome, notre environnement, les microbes, je viens d'en parler, pensez aussi à l'accès aux nutriments, l'accès à l'eau, les conditions thermiques de vie qui modifient considérablement, naturellement, les conditions de vie et donc aussi indirectement notre génome par pression de sélection et nos comportements. Ces trois variables sont à la base de notre état de santé, mais elles ne sont pas indépendantes, je viens de l'indiquer, et de nombreux exemples pourraient être cités que je n'ai pas le temps d'évoquer à la minute. Mais le point important auquel je veux arriver, et qui va être la base de ma description de pathologie d'évolution, c'est que l'évolution de ces trois variables, génome, épigénome, environnement et comportement, ne sont pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur de temps. Schématiquement, c'est évidemment très simplifié, mais compte tenu des facteurs de sélection, les modifications du génome significatives à l'échelle populationnelle sont au moins de l'ordre du millier d'années, encore qu'il y a au moins une exception, alors que les modifications de l'environnement peuvent être assez rapides, quelques dizaines d'années, même si le plus souvent elles sont plus lentes, et les modifications du comportement parfois en quelques années, même si à nouveau elles peuvent être plus lentes. En tout état de cause, ce sont des ordres de grandeur, et ces ordres de grandeur définissent une asynchronie des échelles de temps, par définition, de ces facteurs d'adaptation de l'homme, je vais être concret dans une seconde, où grosso modo l'évolution génétique est lente, liée aux facteurs de sélection, et par exemple, une évolution de comportement alimentaire ou de contexte infectieux est rapide. Et la désadaptation de ces évolutions, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans un instant, est cause de maladie. Au moins dans deux domaines, probablement il y en a plus. Considérons la nutrition, où les conditions de nourriture ont considérablement changé au cours des siècles, et notre consommation de glucose ou de sucre est infiniment supérieure à celle que consommaient les chasseurs-cueilleurs vivants il y a 20 000 ou 30 000 ans, et nous sommes beaucoup plus sédentaires qu'eux, et nous savons que ceci est facteur de diabète et facteur d'obésité. Considérons notre système immunitaire, et je vais le développer un peu plus, il se trouve que c'est mon domaine de connaissance et de recherche, et nous savons que les maladies allergiques sont communes, 20 à 30% de la population, les maladies inflammatoires et auto-immunes, qui touchent entre 5 et 10% de la population dans le monde occidental, sont en croissance. Et elles sont en croissance probablement liées à une situation qui est la suivante, qui est à nouveau en fonction du temps. Si on étudie l'énergie que nous utilisons, que nous consommons, pour nous défendre contre les microbes. Et schématiquement, on peut considérer qu'au cours du temps d'une lente évolution, et même d'une longue évolution, et qui en partie précède l'homme, ces dépenses ont cru. Nous avons dépensé de plus en plus d'énergie pour développer des systèmes de plus en plus sophistiqués pour combattre les différents microbes que j'évoquais tout à l'heure. Mais par contre, dans une période récente, on peut considérer que les besoins réels de lutte antimicrobienne, en tous les cas dans le monde occidental, ont décru. Et donc cette pression de sélection par les pathogènes est moindre, au moins dans le monde occidental. Et ceci rend compte, mais je vais essayer de le détailler un tout petit peu plus, de l'augmentation de fréquence récente, par récente je veux dire de ce dernier siècle, survenue des maladies allergiques, inflammatoires et auto-immunes, et que aujourd'hui on peut essayer de conceptualiser par ce qu'on appelle une théorie de l'hygiène qui était la première fois évoquée par un chercheur américain David Strachan, repris aussi par un collègue ici à Paris, Jean-François Bach, et ces diagrammes simples vous montrent, dans le monde occidental, en fonction du temps, des années, la fréquence relative, l'incidence d'un certain nombre de maladies infectieuses, comme la tuberculose, la rougeole, qui a quasiment disparu grâce à la vaccination, j'y reviendrai, et à contrario, l'augmentation de fréquence d'un facteur parfois 3 ou 4, c'est assez considérable, la maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, la sclérose en plaques, maladie auto-immune du système nerveux, du diabète ou de l'asthme, donc une maladie allergique. Et ceci est épidémiologiquement aujourd'hui démontré. Et l'intérêt est qu'aujourd'hui, on peut s'intéresser aux mécanismes. Et le mécanisme, les mécanismes nous amènent à une notion nouvelle que probablement cette notion de fragilité liée à une moindre pression infectieuse pourra être modifiée par manipulation médicale. Il semble que tout se joue dans la petite enfance. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais un certain nombre de facteurs d'environnement du jeune enfant modifient les risques d'allergie et sans doute de maladies auto-immunes inflammatoires, et en particulier le fait de vivre dans des fermes au contact d'animaux domestiques. Et ceci est montré par des études épidémiologiques sur des cohortes de milliers d'enfants qui vivent en Allemagne et en Suisse. Vous voyez que le risque d'asthme est en gros diminué d'un facteur 2, et le risque d'atopie, c'est dans les maladies allergiques cutanées, l'eczéma, etc., d'un facteur 2, voire d'un facteur 3. Donc le fait qu'un enfant vive dans une ferme, et on sait que ça se passe dans les premières années de vie, est un élément protecteur contre ces maladies allergiques, et on sait que c'est lié à l'exposition microbienne. Pour les enfants vivant en ferme, vous voyez qu'il y a une diversité bactérienne qui est très élevée comparée à ceux qui ne sont pas dans les fermes. Et surtout, le point important, c'est que plus la diversité bactérienne, ou plus il y a d'extraits bactériens différents trouvés dans la chambre des enfants, plus le risque d'asthme est faible. Et il en est de même ici concernant les champignons. Sans entrer dans trop de détails immunologiques, sachez qu'il y a aujourd'hui des modèles pour rendre compte de ce phénomène. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental, dans le milieu urbain, donc où vivent la plupart des personnes et des enfants. Au niveau, par exemple, de notre arbre respiratoire, nous avons ici des cellules dites épithéliales et en dessous des cellules du système immunitaire. Lorsqu'elles sont stimulées par des acariens, qui est la source principale d'allergie, éventuellement compliquée d'infection virale, les cellules du système immunitaire qui vont être mises en jeu sont celles qui ont été, entre guillemets, programmées génétiquement par notre évolution à combattre des parasites, des vers de terre, qui sont responsables de maladies chroniques extrêmement sévères, encore observées par exemple en Afrique, mais qui ont disparu chez nous. Donc un système génétiquement sélectionné il y a 100 000 ou 50 000 ans est en fait utilisé, entre guillemets, par erreur, pour combattre ces parasites ou ces allergènes et qui provoquent par exemple l'asthme. A contrario, chez les enfants nés dans des fermes ou dans le monde non occidental, où les contacts microbiens restent multiples, sont source d'infection par ailleurs, naturellement, eh bien, le système immunitaire est stimulé de façon différente. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais la résultante en est que les anticorps produits ne sont plus des IgE. Je pense que chacun sait que les IgE sont associés à l'allergie, mais d'autres types d'immunoglobulines, d'autres cellules, si bien qu'il y a un certain contrôle de ces risques de maladies allergiques. Il en est de même pour les maladies inflammatoires de l'intestin, même type d'études épidémiologiques. Chez les enfants vivant dans des fermes avec animaux, le risque de développer ultérieurement une maladie inflammatoire de l'intestin est beaucoup plus faible que celui des enfants vivant dans des villes. Donc là, on a un assez bel exemple de relatif dysfonctionnement de programmes qui ne sont pas chronologiquement coordonnés entre notre génome, qui est programmé pour combattre des infections sévères avec lesquelles nous ne sommes plus en contact, et de ce fait, les conséquences en termes de réactions excessives ou inappropriées de notre système immunitaire. L'intérêt de ces études, c'est qu'au-delà de la compréhension, elles ouvrent des possibilités de modification et d'utiliser certains antigènes microbiens pour prévenir chez les jeunes enfants les risques de maladies allergiques ou auto-immunes ou inflammatoires telles qu'elles peuvent survenir au cours de la vie. Mon second point que je voudrais discuter, donc, est que dans le contexte que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, où la médecine est devenue scientifique, en gros, depuis 1950, pour simplifier, alors qu'au préalable, pour l'essentiel, à part un tout petit peu la chirurgie au 19e et au 20e siècle, les médecins n'avaient guère que de fonctions non négligeables que de rassurer et d'essayer de soulager, mais non pas de s'attaquer aux problèmes des maladies. Donc dans ce nouveau contexte, qui est une vraie révolution conceptuelle et réelle, pratique quotidien de la médecine, qu'en est-il de la perception de ces progrès de la médecine entre vision rationnelle et, entre guillemets, magique? Il est indéniable que ces progrès d'une médecine dite scientifique ont des conséquences, puisqu'elles participent, même si elles ne sont pas les seules à l'expliquer, mais elles participent du progrès dans l'espérance de vie, qui est considérable, comme vous le savez. Progrès dans l'espérance de vie en bonne santé. On a gagné dans les pays occidentaux 3 années de vie en bonne santé au cours des 15 dernières années, c'est tout à fait considérable, mais ceci s'accompagne de l'accroissement du nombre de personnes vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques qui seraient décédées antérieurement et qui aujourd'hui vivent avec un cancer ou avec une maladie inflammatoire ou une maladie cardiovasculaire, par exemple. Donc, dans ce contexte, quelles sont les conséquences sur le comportement face à la médecine, face aux possibilités de la santé, en domaine rationnel ou magique? Il y a 3 hypothèses, avant d'entrer dans un exemple. Un modèle optimiste, qui est de considérer qu'en fonction du temps, du progrès des connaissances, de la diffusion de ces connaissances, de l'éducation, d'abord des professionnels de santé et la population, qu'une pensée non rationnelle magique s'estompe au bénéfice d'une pensée rationnelle dans la mise en jeu des actions de santé. Un autre modèle qu'on ne peut exclure, c'est que ces variables soient indépendantes, autrement dit, que le type de pensée magique ne se modifie pas, quel que soit le niveau des connaissances et le niveau d'éducation. Et peut-être aussi peut-on considérer toutes sortes de modèles intermédiaires, et d'ailleurs modèles intermédiaires en fonction du sujet traité, les choses étant évidemment plus compliquées qu'une vision globale que l'on puisse envisager de ces discussions dans le domaine de la santé. Quelques exemples de pensées magiques modernes. J'en évoque 3 et je vais en détailler 1. Et qui toutes, finalement, font référence sur un plan pratique à un retour au passé, probablement avec une vision mythique d'un passé idéalisé. L'exemple du régime sans gluten, je pense que vous avez tous entendu parler, vous avez tous lu des publicités pour le fait, y compris un grand joueur de tennis, Djokovic, ne mange pas de gluten en pensant que c'est bon pour la santé. C'est simplement revenir à avant l'âge de l'agriculture, l'ère de l'agriculture, puisque le gluten est contenu dans les céréales. Donc c'est un espèce de retour mythique à une vie d'avant 10 000 ans, qui n'a aucune justification rationnelle dans l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui. Les vaccins, je vais en parler en détail, c'est un retour il y a 200 ans, puisque le premier vaccin contre la variole, la vaccine, a été développé il y a maintenant 200 ans. On peut aussi évoquer, bien sûr, l'ensemble des thérapeutiques alternatives dites naturelles, qui sont supposées être bénéfiques, mais qui ont peu de substratum scientifique. Quand je dis peu, c'est de dire pas. Mais qui sont populaires et peut-être de plus en plus populaires. Et ceci est source de confrontation, de difficultés à l'échelle des sociétés. Et je pense que l'exemple de la vaccination, qui est un sujet d'actualité en France, il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet tout au long de l'année 2016, en est une bonne illustration. Donc, je vais prendre quelques minutes pour l'évoquer plus en détail. Je pense que dans le domaine de la vaccination, la vision des choses, c'est qu'après une progression au fur et à mesure de l'apparition des vaccins, j'ai évoqué il y a 200 ans la vaccination contre le tétanos, la vaccination contre la diphtérie date des années 20-30, avant la guerre, puis d'autres vaccins après la guerre, il y a eu une adhésion de la population, en moyenne, et donc, dans ce domaine, une action liée à une pensée rationnelle croissante et une pensée magique décroissante, bien qu'il y ait toujours eu, dès l'apparition des vaccins, des personnes qui aient considéré avec hostilité ou défiance ces vaccins. Mais mon point est de considérer que cette pensée magique a regagné du terrain, notamment en France, au cours de ces 20 à 30 dernières années. Je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse un instant. Je me permets de rappeler le principe de la vaccination, pour que chacun sache de quoi on parle. Vacciner les enfants, ou éventuellement à tous les âges de la vie, bien sûr, permet de protéger contre les maladies infectieuses à l'égard desquelles les vaccins sont pratiqués, grâce à la mémoire immunitaire, donc à la capacité de produire longtemps des anticorps et de développer d'autres types de réponses immunitaires qui sont protectrices. Et on sait, par des calculs mathématiques assez simples, que même pour des maladies extrêmement contagieuses, comme la rougeole, si 95% d'une population est correctement vaccinée, la maladie disparaîtra. Parce que non seulement la personne vaccinée est protégée, mais les autres personnes non vaccinées ou non vaccinables le sont également. Par exemple, les quelques personnes non vaccinées, s'ils ne sont pas trop nombreuses, les enfants non vaccinés, moins de 5%. Les petits nourrissons qui sont à risque de coqueluche ou de méningite avant l'âge où on commence à vacciner, c'est 2 mois, très tôt, mais on peut être malade avant l'âge de 2 mois. Les personnes immunodéficientes, traitées pour cancer ou d'autres maladies auto-immunes ou nécessitant une immunosuppression, sont à risque de maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par les vaccins, mais ces vaccins ne peuvent pas les recevoir elles-mêmes, donc il faut que ce soit leur environnement qui soit vacciné, et les personnes âgées, car au-delà d'un certain âge, 75-80 ans, nos capacités d'immunisation régressent, par exemple à l'égard de la bactérie qui s'appelle le pneumocoque, sont protégés par la vaccination de leur environnement familial ou dans les maisons d'accueil de personnes âgées du personnel de santé. Donc cette notion de protection de groupe, donc de solidarité, est évidemment fondamentale dans toute discussion autour de la vaccination. La vaccination est considérée comme étant la plus grande avancée de la médecine, le médicament qui a sauvé le plus de vies. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'environ 2 500 000 vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination, mais qu'il y a encore beaucoup de défauts. Par exemple, on estime qu'environ 150 000 enfants dans le monde meurent encore chaque année de rougeole, alors que le vaccin existe et qu'il est efficace. Néanmoins, donc, les succès sont importants. La variole a été éradiquée, chacun le sait, depuis les années 80, et bien grâce à la vaccination. En France, la poliomyélite, la diphtérie, ces deux maladies graves qu'ont connues nos parents, ont disparu, et beaucoup d'autres ont régressé, la rougeole que j'ai déjà évoquée, et certaines autres. Si bien que les différents pays responsables et concernés promeuvent la vaccination. Malgré ces succès indiscutables, il y a donc un certain degré de défiance, en particulier dans notre pays. Et je voudrais l'illustrer sans vouloir être trop polémique, mais néanmoins à travers la présentation que peuvent en faire les médias, et des médias qui ne sont pas des moindres, par exemple le journal Le Monde, dans son édition du 9 décembre 2016, a publié deux articles assez critiques à l'égard de la vaccination, accompagnés de ce dessin où vous voyez un médecin, j'imagine, qui utilise une seringue et une aiguille comme arme, je pense qu'on ne peut pas l'interpréter autrement, pour attaquer ce pauvre papillon. C'est une image de la vaccination un tout petit peu surprenante. Donc d'autres se sont manifestés également de façon encore plus radicalement négative à l'égard des vaccins. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump a émis ce genre de tweet: « Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive, massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes autism. » Donc c'est l'accusation que les vaccins provoquent l'autisme. C'est une affaire sérieuse qui a provoqué temporairement en Grande-Bretagne une chute de la vaccination contre la rougeole, parce que c'est spécifiquement ce vaccin-là qui est attaqué. Et aujourd'hui, donc, le président des États-Unis lui-même met en avant ce genre d'arguments dont on sait qu'ils sont absolument faux, et que le médecin qui initialement avait proposé ce lien entre vaccin et autisme a triché délibérément, et que ses publications ont été retirées, et en plus il l'a fait pour des raisons pécuniaires. Néanmoins, cela existe et c'est actuel. Et donc c'est devenu un défi de santé publique. Et en France, si on étudie un tout petit peu ce qui passe en France, la perception de la vaccination n'est pas ce qu'elle devrait être. D'un côté de la balance, on met un poids excessif dans les risques des vaccins. Vous avez sûrement tous entendu parler des risques associés avec les adjuvants liés à l'aluminium, qui ne sont pas scientifiquement fondés. Je répète, qui ne sont pas scientifiquement fondés. Et on évoque aussi que le fait notamment de vacciner les jeunes enfants affaiblirait les défenses naturelles, ce qui est totalement faux. Et à l'inverse, le plateau de la balance qui devrait être plus bas, celui-ci, des bénéfices, ces bénéfices sont méconnus ou oubliés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est parce que, justement, ces infections ont régressé. En pratique, aujourd'hui, il y a une défiance significative. Les dernières enquêtes, 25% de la population française n'a pas confiance réellement dans au moins un vaccin. Il y a une certaine défiance même chez les professionnels de santé, si bien que, si on ne prend que les enfants, seulement 80% des enfants français sont vaccinés selon les recommandations en usage ou les trois vaccins actuellement obligatoires. Et peut-être plus grave encore, même si on en parle moins pour l'instant, s'il y a un quasi-refus de la population française de la recommandation de la vaccination contre les virus qui s'appellent les virus des papillomes, qui provoquent le cancer du col de l'utérus, alors que l'on sait que ces vaccins sont efficaces. D'ailleurs, ils ont valu ces dernières semaines aux deux inventeurs le prix Lasker, qui est la plus grande récompense dans le domaine de la recherche médicale aux États-Unis. Et en France, pourtant, seulement 15% des jeunes filles, auxquels ces vaccins sont recommandés, se trouvent être vaccinés contre 80 ou 90% dans les pays du nord de l'Europe. Donc cette situation est sérieuse, elle est même tragique, et je vais vous montrer quelques secondes, excusez-moi, mais je pense que de temps en temps des images fortes sont nécessaires, les drames auxquels la non-vaccination expose. Voici la situation d'un jeune bébé qui a développé une méningite, un méningocoque à l'égard duquel un vaccin est possible, et qui a développé une complication extrêmement grave, avec, vous voyez, ces images violettes des membres qui vont vers la nécrose, si bien que ce genre d'enfant est exposé à cela. Ce sont des drames qui sont vécus chaque année, au nombre de 10, 20 ou 30 cas par an, encore en France. d'amputation des membres supérieurs ou des membres inférieurs. C'est ça le drame qu'il faut éviter par la vaccination. Donc ce n'est pas une discussion ésotérique. On discute de sujets majeurs de le domaine de la santé. Cette perception n'est pas la même partout. Dans les pays du nord de l'Europe ou en Grande-Bretagne, c'est l'inverse. La situation actuelle est qu'il y a une adhésion satisfaisante de la population à la vaccination. Et les vaccins n'ont pas besoin d'être obligatoires pour être pratiqués de façon convenable. Donc face à cette situation, comment peut-on l'analyser plus avant ? Quelle cause ? Quel mécanisme ? Je pense que l'on peut, sans vouloir être trop long, mentionner une certaine volonté individuelle d'une liberté de décision en matière de santé qui est parfaitement respectable lorsqu'il s'agit de soi-même. Cela correspond d'ailleurs à ce que la loi Kouchner, votée en 2002, a mis en place, mais qui ne tient pas la route pour la vaccination compte tenu de son caractère collectif, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Cette notion de citoyen expert qui peut être assez redoutable. Il se trouve que les pays latins, dont la France, ont une culture de prévention assez faible en santé. Notre pays a été malheureusement frappé de scandales sanitaires et aussi de crises sanitaires autour de vaccination. L'histoire de la grippe H1N1 en 2009, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais l'ensemble constitue un corpus de faits qui probablement ont favorisé cette relative défiance. Et il faut aussi considérer le contexte de la source d'information, des sources d'information. Les médecins qui restent en première ligne, mais qui sont parfois dépassés, leurs témoignages sont éloquents face aux difficultés rencontrées devant des hésitations ou des défiances. Les réseaux sociaux qui, depuis 20 à 30 ans, diffusent sans ménagement les messages les plus hostiles à la vaccination et des médias qui peuvent les amplifier et amplifier des croyances. Donc dans une situation où il y a une certaine volonté, qui d'ailleurs se retrouve dans d'autres domaines, de décrédibilisation des experts, une forme de crise de légitimité des experts. Il faut y ajouter un silence des autorités sanitaires jusqu'à l'année dernière. Aucune réaction à la montée de la pensée magique relayée par certains. Qui sont les producteurs de cette pensée magique, de façon sincère ou insincère? Quelques militants idéologiques, peu nombreux, mais bien illustrés et développant bien leurs arguments donc, sur les sites Internet. Aux États-Unis, mais pas en France, certains groupes religieux. Quelques médecins gourous, quelques-uns sont connus en France, qui essayent de développer ce type de pensée magique. Et une instrumentalisation politique, je n'y reviens pas, j'ai évoqué Trump, et puis que l'idée du relativisme où toutes les opinions se valent, qu'il s'agisse de faits scientifiques évalués par une communauté scientifique large ou l'opinion d'un individu, ça vaut la même chose et on peut les confronter. Donc face à cela, comment réagir? Évidemment, les autorités de santé depuis longtemps cherchent à informer, éduquer, rendre plus audible la parole experte, essayent d'avoir une politique volontariste, mais les limites, on les a vues, et actuellement, la situation en France et dans quelques autres pays, comme l'Italie par exemple, n'est pas favorable. Ceci a conduit à une proposition qui a été élaborée par Marisol Touraine, la précédente ministre de la Santé, d'une conférence citoyenne sur la vaccination qui a eu lieu l'année dernière, que j'ai animée, c'est pour ça que je profite de cela pour parler un peu plus de ce sujet, avec l'idée d'une tentative de légitimation sociale, d'une approche rationnelle dans un domaine de santé publique et la vaccination, à condition de faire savoir et à condition ensuite que cela soit pris en compte dans l'action politique. Alors une telle conférence a eu lieu. Des jurys de citoyens qui se sont réunis pendant 6 jours ont été formés aux questions de vaccination, ont élaboré leurs questions, ont interrogé qui le souhaitait et ont élaboré des recommandations, des propositions qui ont été discutées avec un comité d'experts et qui ont conduit à faire des propositions au gouvernement, évidemment dans les domaines de l'éducation, du faire savoir autour de la vaccination, mais aussi de contraindre, d'obliger, ce qui peut paraître éventuellement un peu surprenant. Mais la proposition a été faite et, comme vous le savez sans doute, était retenue par la présente ministre de la Santé, d'élargir l'obligation vaccinale pour les vaccins effectués chez les enfants de moins de 2 ans, cela représente 11 vaccinations, selon un principe de responsabilité et une idée citoyenne qui est la défense d'un bien commun. Et je pense que l'on peut considérer que le domaine de l'obligation fait partie des outils de l'action publique, comme cela a pu être le cas, par exemple, pour la sécurité routière dans le passé. Il est possible que cette contrainte soit en elle-même un facteur d'acceptabilité, parce que c'est un signal fort, et de fait, une loi dans ce sens a été présentée récemment au Conseil des ministres. Donc je pense que le sujet de la vaccination, qui n'est pas terminé en France, qui n'est pas près de l'être, dont on ne sait pas encore donc, si les effets de cette conférence citoyenne ce sont ceux que l'on espère, c'est-à-dire qu'au-delà des recommandations faites, elle soit réellement mise en œuvre et suivie par la population, c'est un assez bon exemple, à mon goût assez tragique, du maintien, pour des raisons que j'ai essayé de discuter, d'une pensée magique dans un contexte où pourtant les progrès scientifiques devraient primer. Pour terminer, je voudrais évoquer une autre situation très différente, mais qui est, je trouve, pas inintéressante et montre la complexité du sujet, parce qu'une présentation entre pensée rationnelle et magique est un tout petit peu schématique, évidemment, et simplificatrice. Mais je voudrais un fait, c'est une possible appropriation de la science par la pensée magique. Ça peut paraître un peu paradoxal. Et pour cela, je vais me fonder sur ce qui se développe actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire des sociétés comme le Human Longevity Incorporated, qui a été créé par un très grand scientifique, Craig Venter, il faut le savoir pour ceux qui ne le connaissent pas, est un de ceux qui a séquencé le premier, le génome humain, c'est quand même une étape très importante de la connaissance de l'homme et de la biologie de l'homme, et qui depuis continue à développer des projets audacieux de biologie synthétique, mais aussi donc à créer cette boîte qui cherche à faire que nous vivions mieux, plus longtemps, mais peut-être pas complètement avec une idée scientifique. Et ce qu'offre cette entreprise, c'est si vous acceptez de payer 2 500 $, pour ce prix, ils séquenceront votre génome, ils vous poseront des questions, interagiront aussi avec votre médecin, et vous recommanderont toute une série d'actions pour vous maintenir en bon état de santé très longtemps. Si vous êtes un peu plus curieux, ou généreux, ou riche, vous paierez 7 500 $, et vous aurez le droit au programme Gold. Et le programme Gold vous permettra d'avoir accès à d'autres informations sur votre corps, et donc on vous conseillera encore mieux sur ce qui est bon pour vous, pour vivre longtemps et en bonne santé. Et si vous êtes infiniment riche, vous paierez 25 000 $, et vous serez dans le programme Platinum. Je souris, mais c'est une réalité. Vous pouvez aller sur le site internet de cette entreprise, et vous aurez évidemment une proposition encore plus fastueuse. Derrière cela, il y a un certain nombre de choses. Il y a évidemment une façon de gagner de l'argent, évidemment l'utilisation d'une certaine appétence de l'homme, à nous tous, nous avons envie de vivre en meilleure santé possible, le plus longtemps possible, pourquoi pas plus que ce qui est programmé par notre environnement biologique actuel. Et Craig Venter, qui est un très grand scientifique, utilise ces informations parce que d'un autre côté, il obtient donc des séquences de génome d'un grand nombre de personnes, un certain nombre d'informations dont lui, il pourra tirer peut-être des informations pertinentes. Donc cette situation est une intrication, à mon avis, un peu inquiétante, peut-être un peu malsaine, entre pensée magique et pensée rationnelle. Quelques conclusions pour finir, qui reprend l'ensemble de ce que j'ai essayé d'évoquer. Notre état de santé est en partie déterminé par les conséquences de phénomènes d'adaptation génétique par sélection, notamment microbienne, mais aussi dans l'environnement nutritionnel survenu il y a longtemps, des dizaines de milliers d'années, dans un environnement naturel qui était bien sûr très différent du nôtre, mais qui pèse sur notre santé encore aujourd'hui, compte tenu des délais d'évolution. La science apporte des connaissances susceptibles de remédier, au moins en partie, à cette relative inadaptation. J'ai fait allusion à des probables interventions à venir pour prévenir les risques de maladies allergiques, inflammatoires ou auto-immunes chez les jeunes enfants par des procédés non-invasifs. Pour finir, je dirais que la survivance d'une pensée magique peut faire obstacle à l'application de ces progrès et que sans doute le défaut d'écoute et d'empathie qui existe réellement dans le milieu de la santé, ceci est indéniable, peut en être un facteur malheureusement de promotion sur lequel il faut aussi agir. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 20 octobre 2017 le colloque Les Natures en question, la conférence d'Alain Fischer, La médecine face à la nature, un combat acceptable. Et en première partie, vous avez pu entendre celle de Marie-Angèle Hermite, quel rapport entre artificialisation de la nature et droit du vivant. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les informations, les vidéos et la bibliographie liées à cette diffusion. Les actes du colloque « Les natures en question » sous la direction de Philippe Descola viennent d'être publiés chez Odile Jacob. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nouvelle perspective, nouvelle série, et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.